accrochez-vous, ça part de là. Marseille, bus, rime, favela. Accrochez-vous, ça part du ghetto. Ça part des négros, ça part de pas. Ça part de là. Accrochez-vous, ça part de là. On nous avait dit que dans le rap pour nous, y'avait pas moyen, avec peu de moyens, on a segmenté la moyenne, sans faire appel à vos doyens du rap. Moi je suis rentré dans cette arène, pour une carrière du rap. Fais-moi la pile, tu rates celle qui excelle dans son art. Même si j'ai le regret de pas avoir saigné pour Arsenal, continue mon périverbal contre les polices nationales. Et tant pis, c'est pour ma troupe et pour moi, ça finit mal. On a le ciel, qui s'est tenu sur nous, il nous observe et cherche le talent à ses genoux. Pourquoi pas nous, on a fait, voilà ce qu'on se dit. On se donne à 2000 pour faire la diff en 2009, qui nous attend. D'où pas la finalité, c'est la même. C'est pour les mecs du ghetto, les femmes, on les saut, les moi, mon père, sur la gadio, gadio. Bras livrer les fruits qu'on a semés. Ça part de là, Marseille, bus, rime, favela. Accrochez-vous, ça part du ghetto. Ça part du négro, ça part d'une part. Ça part de là. Approchez-vous, ça part de là. C'est le retentu du gang, on entre dans le game. Tu crampes plein les cordes, on est paré pour la guerre. On veut la place du king, le buzz du king. Marre de cette vie de merde sans bling bling. C'est du 13-0-14, Marseille puis serine. Rap sans entorse, spécialiste de la rime. On arrive sans boum boum ni marchette, sans plaquette de C4. Venez juste prendre notre part. Ça part de la cage, rap le beat, que des gars séparent. Que de toute notre carrière t'es toi, on parle pas quand on sépare. La base tout autour de ce qui nous attend. On frappe sur la ligne d'arrivée en train de vous attendre. Nega, on est trop, besoin de fou, besoin de fort. Plus on a faible, plus on est pop. Sois moi, coupe l'instru que je crie trop fort en microphone. Que les faux MC, je les microphone. Accrochez-vous, ça part de là. Marseille, bus, rime, favela. Accrochez-vous, ça part du ghetto. Ça part du négro, ça part d'une part. Ça part de là. Approchez-vous, ça part de là. Toc toc, c'est ma dream team, compétiteur et sans crime. Salam alaikum, non merci, on n'a pas besoin de gym. Tu te dis que c'est chaud, c'est une chaleur caniculaire. Reste à l'écoute, on t'envole pas, c'est que les préliminaires. Pas de te dire comment on croit, mais ça vient à l'édifice. Favela 509, gros, tant de sacrifices. 2014 km/h, pour toi c'est trop de speed. Ça part de là, pour ta, je te retrouve à notre merci. Marseille, Isserine, 14ème. Tous ceux qui nous soutiennent ou pas. Une pensée pour les nouveaux-nés. Tous ceux qui nous ont quittés trop tôt. Pour nos frères, un cas. Ça part de là. À tous les gens qui galèrent avec le SMIC. Ça part de là. Même pour la concurrence. Ça part de là. Le monde doit faire la skin en 2009. Accrochez-vous, ça part de là. Marseille, bus, rime, favela. Accrochez-vous, ça part du ghetto. Ça part du négro, ça part d'une part. Ça part de là.